Je voudrais revenir et encore confronter vos personnalités avec le phénomène de l'intelligence et le problème de l'intelligence et le problème psychologique de l'intelligence. Pour approfondir cet aspect merveilleux de la conscience humaine et aussi pour faire comprendre des qualités inusitées et subtiles de la conscience de l'homme. Et pour expliquer d'une autre façon l'intelligence, je veux l'approcher du point de vue de l'ego. L'ego est toujours incertain de ses décisions dans la vie. Il est toujours incertain de ses décisions parce que il n'est jamais parfaitement sûr de ce qu'il fait. Et il n'est pas sûr de ce qu'il fait parce qu'il n'est pas capable de voir la différence entre son émotivité et son intelligence pure. Il n'est pas capable de voir la différence entre le jeu que joue son émotion sur son mental, de sorte qu'il ne peut pas sentir son intelligence. Et ne pouvant pas sentir son intelligence, il a de la difficulté à voir les subtilités de la vibration de l'intelligence qui voudrait lui bloquer une décision, lui faire retarder une décision, lui faire revoir une décision ou comprendre une décision d'une façon plus globale. L'ego semble avoir de la difficulté à vivre dans le présent de son intelligence ou dans le présent de son action. Parce que l'ego souffre d'une condition qui est liée à son corps de désir. Ce qui bloque le plus l'intelligence de l'ego, c'est son corps de désir. Et son corps de désir est tellement subtil, il apparaît tellement raisonnable, que l'ego est charrié par ce corps de désir et n'est pas capable de soutenir la tension que crée la vibration de l'intelligence en lui. Le mouvement de l'intelligence dans la vie de l'homme ne coïncide jamais avec le mouvement du corps de désir de l'homme. C'est une des lois fondamentales de l'intelligence universelle, c'est qu'elle ne convient jamais avec le corps de désir de l'homme. Et un homme qui peut réaliser, qui peut comprendre, qui peut sentir la différence, l'interférence causée par l'intelligence ou l'énergie de l'intelligence sur son corps de désir, peut commencer à sentir l'effet de l'intelligence sur sa vie. L'effet qui est contraire à son corps de désir, mais un effet qui est vibratoire et qui peut être même rigoureux. Dans ce sens que l'intelligence procède par des voies qui ne sont pas les voies de l'ego. Procède par des voies qui sont parfaites et qui se servent du temps pour permettre à l'ego de vivre sa vie selon des lois qui conviennent à l'intelligence et qui conviennent aussi aux forces de vie qui sont en lui. Mais l'ego va constamment à l'encontre de ces lois parce que son corps de désir est trop fort. Et lorsque je dis que le corps de désir de l'ego est trop fort, je veux dire ceci. Je veux dire que l'ego veut devancer l'intelligence. Il veut devancer l'énergie. Et dans ce devancement de l'énergie, au lieu de se fusionner à elle, il se sépare d'elle et crée automatiquement des conditions de vie qui, à la longue, ne sont pas les plus optimales. Pour que l'ego apprenne à fonctionner en relation avec la vibration de l'intelligence, il doit être constamment aux aguets des trappes que lui pose son corps de désir. Il doit être suffisamment adepte à percevoir son intention personnelle vis-à-vis l'intention prépersonnelle de l'intelligence. Un ego qui peut voir son intention personnelle vis-à-vis l'intention prépersonnelle de l'intelligence commence à être intelligent. Beaucoup de gens sont mystifiés par le phénomène de l'intelligence et ne comprennent pas qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Parce que l'intelligence, il nous a été expliqué dans le passé, est toujours une faculté de l'ego. Alors que l'intelligence n'est pas une faculté de l'ego, l'intelligence est un rapport vibratoire entre l'ego, la partie mentale de l'ego, et la partie supramentale de l'homme, où pénètre l'intelligence ou l'énergie de l'intelligence. Ce qui colore l'intelligence de l'ego, c'est l'habitude innée qu'il possède de vouloir devancer le temps de l'intelligence, et ça, c'est la plus grande erreur de l'homme, et c'est cette erreur qui crée dans le monde de l'homme tant de problèmes, parce que dès que l'homme sort du temps de l'intelligence, il sort du temps cosmique de sa conscience pour entrer dans le temps planétaire de sa vie matérielle, émotive et mentale. Et s'il entre dans le temps planétaire, ce temps planétaire est déjà enregistré dans sa conscience astrale. De sorte que ce temps planétaire étant enregistré dans sa conscience astrale, il ne pourra jamais se libérer du pouvoir de la conscience astrale sur ses actions, de sorte qu'il ne pourra jamais se libérer de l'effet de son corps de désir sur son intelligence plus vaste, plus précise et plus rigoureuse qui est l'intelligence universelle. L'intelligence universelle ne fonctionne pas, ne s'enregistre pas dans l'homme pour le bénéfice égocentrique de l'homme. Elle s'enregistre dans l'homme pour le bénéfice vital de l'homme. Et le bénéfice vital de l'homme, c'est un bénéfice qui est à la fois physique, vital, émotionnel et mental. Mais l'intelligence égocentrique de l'homme, qui est prédisposée à cause d'émotions avant que l'homme se manifeste, ne bénéficie pas l'homme vitalement. Elle le bénéficie émotivement et mentalement, mais lui enlève de l'énergie sur le plan vital et sur le plan physique. Et la fonction de l'intelligence dans la vie, ce n'est pas seulement de nourrir le mental et l'émotif de l'homme, mais c'est de nourrir le mental, l'émotif et le vital et le physique de l'homme pour élever la vibration des principes inférieurs de l'homme. Afin que l'homme, un jour, élevé dans cette vibration constante, puisse dépasser les conditions matérielles les plus basses de sa vie, qui est le corps matériel, pour ajouter un autre principe en lui, qui est le principe de la vie éthérique. Autrement dit, l'homme possède le matériel, le vital, l'émotionnel et le mental. Un jour, il doit perdre, non pas perdre d'une façon définitive, mais perdre dans ce sens de aller au-delà de du physique pour avoir le vital, l'émotionnel, le mental et la conscience supérieure. Un genre de déplacement. L'homme possède ses quatre principes et un jour, il doit posséder ses quatre principes. Avec celui-ci qui est le physique, qui devient aléatoire et qui est conditionné par la conscience universelle de l'homme, selon le plan de son évolution, selon le plan de travail, qu'il demeure dans la matière ou qu'il réajuste ses vibrations en rapport avec les mondes parallèles. C'est très important pour l'homme de comprendre la nature de l'intelligence de ce point de vue, afin de réaliser que l'intelligence n'est pas seulement un attribut de l'ego, mais que l'intelligence est un attribut aussi de la partie inférieure de l'homme, la partie vitale et physique. Et nous ne pensons pas à ceci. Mais il y a dans l'homme une nécessité de considérer le vital et le physique, et c'est pourquoi à la fin du 20e siècle, il y a énormément de sport dans notre société, et les gens s'adonnent de plus en plus à faire du jogging ou des expériences physiques afin de donner à leur corps inférieur une certaine vitalité. Mais ceci aussi fait partie de l'illusion de l'homme, mais ça fait partie des mécanismes plus écourté de la conscience ou de l'intelligence qui force l'homme à faire de la physicalité afin de se maintenir en forme. Mais l'homme n'a pas besoin de faire de physicalité pour se maintenir en forme si son intelligence se rapporte non seulement à son intellect et à son émotif, mais aussi à son vital et à son physique. Mais pour que l'intelligence serve au vital et au physique, il faut que l'homme apprenne à se dissocier au niveau de son corps de désir. Je ne parle pas de se dissocier d'une façon spirituelle, comme nous l'a enseigné pendant très longtemps les Indes. Je parle de se dissocier d'une façon intelligente et vibratoire. Dans ce sens que le corps de désir de l'homme doit devenir un support astral qui doit canaliser l'énergie de l'intelligence et amener cette énergie à un plan inférieur qui est le vital. Auparavant, le corps émotionnel de l'homme, le corps astral de l'homme, servait à sécuriser l'homme dans une émotivité quelconque pour lui faire reconnaître une certaine valeur sensorielle ou une valeur émotive à la vie. Mais lorsque l'homme entre dans l'intelligence cosmique et qu'il est de plus en plus déconditionné du matériel parce qu'il est de plus en plus en dehors de l'esprit de son corps astral, il est évident que ce corps astral doit demeurer, mais il doit servir une autre fonction. Et par le passé, la fonction que servait ce corps astral était de nourrir l'émotion de l'homme. Mais dans l'avenir, la fonction du corps astral n'est pas de nourrir l'émotion de l'homme, mais elle est de nourrir le corps vital et le corps physique de l'homme. Autrement dit, la fonction du corps astral, du centre du corps émotionnel, doit devenir une fonction qui regarde vers le bas. Afin de servir de canal aux impulsions puissantes de l'intelligence créative et d'amener cette intelligence créative sur les plans inférieurs qui est le vital et le matériel. Mais pour que ceci se fasse, il faut que l'homme découvre la nature de son intelligence d'une façon précise, c'est-à-dire qu'il puisse voir, qu'il puisse reconnaître la restreinte que lui impose la vibration de l'intelligence lorsqu'il est prêt à prendre des décisions sur le plan matériel. S'il n'est pas capable de voir la restreinte ou de sentir la vibration d'empêchement de l'intelligence créative, il sera automatiquement emporté par la vibration du corps émotionnel et automatiquement se servira du corps émotionnel pour couper son contact avec l'intelligence et pour meurtrir la vitalité de son corps vital et de son corps physique. Quand je dis que l'homme vieillit à cause de ses émotions, je dis que l'homme vieillit parce qu'il n'est pas capable de se servir du corps émotionnel pour faire venir vers le bas l'énergie de l'intelligence. Et ça, c'est une dimension de la nouvelle psychologie de l'intelligence qui doit être perçue et comprise par l'homme s'il doit vieillir en se rajeunissant. Mais c'est difficile pour l'homme de comprendre la nature de son corps de désir parce que il ne comprend pas la nature de ses émotions, parce que il ne comprend pas la nature de l'intelligence de son émotion. L'homme découvre par expérience que le but de l'intelligence n'est jamais un but gratuit. L'homme découvre par expérience vibratoire, que le but de l'intelligence ne convient et ne constitue jamais pour l'ego une sécurité émotive. Le but de l'intelligence et le descente de l'intelligence dans l'homme est une descente d'énergie qui enlève à l'ego le support émotif de sa vie matérielle pour donner à l'ego le support vibratoire d'une vie matérielle autre, mais qui est parallèle et en conformité avec les lois de l'énergie de l'intelligence, et non avec les lois émotives de l'ego. Je n'ai absolument rien contre le corps de désir, mais je dois expliquer comment fonctionne le corps de désir. Le corps de désir a quatre portées universelles sur la Terre. Il permet à l'homme de se rassurer, il permet à l'homme d'aimer pour se rassurer, il permet à l'homme de se rassurer pour bien comprendre s'il aime bien, et il permet à l'homme de bien comprendre que s'il aime bien, il est assuré de bien être aimé. Et ces quatre aspects reviennent à la même chose, ils reviennent au fait que l'homme est fondamentalement dans son émotivité un être totalement insécure. Si nous partons du fait que l'homme est totalement dans son être-té un être insécure et que cet homme doit en venir éventuellement à développer et à vivre une sécurité totale, nous sommes obligés d'invoquer le pouvoir de l'intelligence créative et de révoquer les conditions qu'impose à l'être-té humaine l'émotion dans tous ses aspects, dans toutes ses phases, dans toute sa coloration et dans tout son raisonnement. De sorte que toutes les conditions de l'homme liées à son corps de désir, bien qu'elles soient ou qu'elles puissent être par le filtre de l'intelligence subjective de l'homme considérées comme étant raisonnables ou rationalisées dans une façon qui permet à l'homme de se sécuriser et de trouver dans le mécanisme de son émotion et de sa mentalité une certaine certitude psychologique, il va plus loin que ça, le problème. Et il va jusqu'à dire que l'homme doit totalement perdre la sécurité de son émotivité pour entrer dans la certitude de son intelligence qui deviendra plus tard la sécurité parfaite au niveau mental et au niveau matériel, l'homme n'ayant plus besoin à ce stage de sécurité émotive puisque le corps émotionnel ne sert plus à le sécuriser mais à canaliser l'énergie de l'intelligence pour vitaliser son corps vital et son corps physique pour l'amener petit à petit à des conditions de vie ultérieures qui dépasse la moyenne de l'humanité. La catégorisation que nous avons faite de par notre expérience, à cause de la valeur de notre corps astral, de notre corps émotif, et aussi à cause de la fonction de cette émotivité dans notre vie, est essentielle pour l'homme de demain, parce qu'elle contient un germe d'impuissance. Il y a dans l'émotivité de l'homme un germe d'impuissance, même si l'homme apparemment semble être en puissance. Mais l'homme n'est jamais en puissance, il est toujours à un niveau quelconque en fortitude, il est en force, mais il n'est jamais en puissance. Parce que un ego ne peut pas être en puissance s'il est moindrement émotif. La puissance dans l'homme entre en lui lorsqu'il a perdu l'émotivité et lorsque la fonction du corps astral a servi non plus à balancer son physique avec son mental, mais simplement à canaliser l'énergie de l'intelligence vers le matériel et le vital. De sorte que ceci laisse un trou dans l'homme, de sorte que l'homme devient comme séparé en deux. Il y a la partie matérielle de l'homme, il y a le trou et il y a l'intelligence. Et entre l'intelligence et le matériel, il y a un écoulement. Et l'écoulement, pour qu'il se fasse, doit passer par un trou. Et ce trou, c'est la stabilité du corps astral, l'absence d'émotivité subjective, permettant à l'intelligence de réorganiser matériellement les corps de l'homme, permettant à l'intelligence de s'infiltrer, de s'imposer, de s'infuser vibratoirement dans le mental, dans l'émotionnel, dans le vital et dans le physique. Et c'est ça la loi de l'homme nouveau vis-à-vis l'intelligence. Nous cherchons par émotivité à nous reconstruire. L'émotivité chez l'homme sert à le reconstruire, mais dans le fond, elle le détruit. Elle cherche à le reconstruire, elle semble le reconstruire, et cette reconstruction, l'homme appelle ceci le bonheur. Lorsque l'homme est en bonheur, ou lorsque l'homme est en phase de bonheur, il se sent reconstruit, c'est-à-dire qu'il se sent bien. Mais le bien-être dans lequel il se sent n'est jamais parfait, et il le sait, parce qu'il y a toujours derrière lui un nuage. L'homme ne peut pas s'assurer L'homme ne peut pas être assuré d'être parfaitement heureux, même s'il y a dans son expérience du bonheur. Parce que l'émotivité lui enlève de la vitalité, mais elle lui donne une pulsation qui semble être reconnue chez l'ego comme étant une pulsation vitale. Lorsqu'en fait, elle n'est pas une pulsation vitale, elle est une pulsation qui enlève de la vie au corps matériel, mais qui remplit le principe approximatif ou le plus près qui est le corps vital. Autrement dit, le danger du bonheur subjectif, c'est que l'énergie de l'intelligence entre dans le corps astral et se communique au corps vital, mais ne descend pas dans le corps physique. C'est pour ça que du bonheur, c'est très bon, c'est très beau, mais c'est pas assez. Pour que le bonheur soit total, il faut que l'énergie passe du plan astral, descende dans le corps vital et descende dans le corps physique. Et c'est à ce moment-là que l'homme, à cause du changement vibratoire et des conditions autres du corps émotionnel, s'aperçoit qu'il ne peut pas être heureux comme il était lorsque l'énergie passait de l'astral au vital, mais qu'il a un autre heureux, qu'il est dans un autre état de être heureux, mais qui ne convient pas à la condition originale de son être-té, mais qui convient à sa nouvelle condition d'être-té. Et tout ceci revient au phénomène de l'intelligence. Le phénomène de l'intelligence est un phénomène extrêmement complexe, extrêmement simple, mais il est complexe parce que il permet à l'homme de ne pas pouvoir être compris tant que l'homme n'a pas suffisamment été libéré de l'émotivité qui affecte son intellect. C'est pour ça que c'est si difficile à l'homme de se connaître lui-même et de pouvoir vivre constamment dans son intelligence au lieu de passer de l'intelligence au manque d'intelligence ou de l'intelligence à une intelligence inférieure. L'émotivité chez l'homme est une condition planétaire de vie. Elle est une condition planétaire de vie qui convient à la quatrième race de l'homme, les Atlantes. Ce sont les Atlantes qui ont développé ce corps astral. Et est venue ensuite les races indo-européennes qui ont développé le corps mental. Mais le développement du corps astral chez les Atlantes et le développement du corps mental inférieur, pardon, le corps astral chez les Atlantes et le corps mental inférieur chez les membres de la cinquième race ou de la race indo-européenne n'est pas un développement terminé. Pour que le corps astral se développe parfaitement, pour que le corps mental de l'homme se développe parfaitement, il faut que le corps vital et le corps physique aussi se développent parfaitement. Non pas dans une configuration nécessairement matérielle, mais dans une configuration énergétique, c'est-à-dire qu'il faut que le corps mental et le corps astral servent bien l'énergie de l'intelligence. Et ces deux principes servent bien l'énergie de l'intelligence lorsque le corps astral, qui est le plus lourd, qui est le plus rapproché de la nature animale de l'homme, est capable d'absorber le choc vibratoire de l'intelligence pour laisser passer vers le bas cette énergie qui vitalise et donne à son corps matériel une grande santé. Nous ne pouvons plus nous servir de nos émotions comme nous nous sommes servis de nos émotions par le passé. De la même façon que nous ne pouvons plus nous servir de nos pensées subjectives comme nous nous sommes servis de ces pensées par le passé. Déjà, l'homme reconnaît la nécessité ou la condition aujourd'hui qui lui permet de ne plus se servir de ses pensées comme auparavant. Et aussi, déjà, l'homme commence à reconnaître la nature de son émotivité. Mais le travail n'est qu'à son début, parce que la formation et la descente de la conscience supramentale sur la Terre n'est qu'à son début. C'est pourquoi il est nécessaire d'expliquer la relation entre l'énergie et le corps émotionnel pour bien faire comprendre à l'homme l'importance que cette énergie descende jusque sur le plan matériel, afin que l'énergie émotionnelle ne serve plus à l'homme comme elle a servi dans le passé, c'est-à-dire qu'elle ne serve plus à l'homme à créer dans sa vie de sentiments. Parce que les sentiments dans la vie de l'homme sont de lourdes pièces de fer qui brouille son intelligence et qui empêche son intellect, son corps mental inférieur, de se nourrir vibratoirement de l'intelligence ou de l'énergie de l'intelligence. Et autant le corps émotionnel de l'homme doit être nourri par l'énergie de l'intelligence, autant le corps mental de l'homme doit être nourri par l'énergie de l'intelligence. Mais ce qui empêche le corps mental de l'homme d'être nourri par l'intelligence pour fermer cet axe, il faut que le corps émotionnel soit libéré de certains privilèges antérieurs, de certains privilèges raciaux que j'appelle le sentiment. Mais ce n'est pas facile pour l'homme de ne pas vivre de sentiments parce que le sentiment est une fonction du corps émotionnel qui est basée sur la mécanicité des attitudes. Et les attitudes sont foncièrement axées sur une réalité de l'homme qui est l'insécurité. Et l'insécurité est causée par le fait que l'homme n'est pas dans son intelligence. Alors nous sommes fixés, nous sommes faits par un cercle vicieux qui en fait n'est pas vicieux, mais qui est une spirale. Mais nous, tant que nous n'avons pas suffisamment été imprégnés par l'énergie et que nous n'avons pas suffisamment souffert dans l'émotif et le mental, nous ne sommes pas capables de briser ce cercle vicieux et d'en connaître la nature spiralisante. Et l'homme doit en arriver à connaître et à comprendre la nature spiralisante parce que c'est lorsqu'il sort du cercle vicieux de la relation de son émotion avec son intellect, que l'homme commence à prendre conscience un peu de son intelligence. Et c'est au moment où il commence à prendre conscience de son intelligence. Et l'homme ne peut pas se mentir, l'homme ne peut pas se savoir dans son intelligence et ne pas se voir dans son intelligence. On peut dire à quelqu'un, bon, je suis dans mon intelligence, mais ce n'est que l'homme lui-même qui sait s'il est réellement dans son intelligence, parce que être dans son intelligence implique une vibration. Il y a une vibration en soi lorsque nous sommes dans notre intelligence. Et cette vibration, elle est très précise, elle est inéluctable, elle est absolue, elle ne peut pas être discriminée contre, elle ne peut pas être altérée, elle ne peut pas être transformée, elle est inviolable, cette vibration. Et cette vibration, on la reconnaît par le fait qu'elle s'impose à soi. Et c'est la vibration qui s'impose à soi, mais en harmonie avec soi, qui permet à l'homme d'être libre et de vivre de l'énergie qui descend dans le mental, l'émotionnel, le vital et le physique, et qui, graduellement, d'une façon subliminale, rajeunit l'homme au fur et à mesure qu'il vieillit. Quand je dis que l'homme doit rajeunir en vieillissant, je veux dire deux choses. Je veux dire qu'il y a des processus naturels dans la configuration moléculaire et cellulaire de l'homme qui nécessitent qu'avec le temps, il épuise certaines ressources. Et ces certaines ressources sont d'ordre protéinique et éventuellement l'homme doit perdre cette capacité protéinaire de son être matériel afin de développer une conscience un peu plus subtile parce que les protéines sont des agents qui cultivent l'agression chez l'homme et qui permettent à l'homme de demeurer un peu dans la conscience animale de sa planète pour le bénéfice de la structuration physique de sa conscience matérielle et pour permettre aussi l'élaboration de son plan de vie à travers une personnalité quelconque. Mais lorsque l'homme va vers la conscience supramentale et qu'il va éventuellement vers l'immortalité, la protéinisation de son corps matériel doit ralentir. Et elle se fait par le mouvement naturel d'un vieillissement de son corps. Mais le vieillissement de son corps lors de cette déprotéinisation, ce maudit mot, se fait d'une façon naturelle, c'est-à-dire qu'il n'enlève pas de vitalité à l'homme. Un homme peut être vieux en apparence matérielle, en apparence physique, il peut avoir des cheveux gris, il peut avoir le corps extrêmement élancé, très mince, les plans de la figure très presque parallèles ou pointus, mais il peut avoir énormément de vitalité. Et c'est la vitalité de l'homme qui compte, ce n'est plus l'impression d'absence de vitalité qui est réfléchie dans un corps qui peut avoir perdu de l'esthétique de sa jeunesse. Il y a des hommes sur la Terre qui apparaissent comme étant vieux, qui ont une certaine allure de vieillesse, mais qui sont extrêmement vitales, et je vous assure que si vous faisiez le mille avec ces hommes, vous verriez que vous perdriez votre place. Parce que ces hommes, à cause de leur vitalité et à cause de la spontanéité de leur conscience, peuvent facilement partir d'un point et se rematérialiser pendant que vous essoufflez à le rejoindre. Et pourtant, ils sont vieux. Et ils peuvent très bien marcher dans la rue comme des vieux, comme des vieillards, lentement, le dos un peu courbé. Mais ceci n'est qu'une illusion. Et dans la courbure de leur dos, dans le fond, ils relaxent la tension nerveuse qui fait partie de leur système nerveux extrêmement puissant. De sorte que, Je rattache tout ceci au phénomène de l'intelligence. Je rattache tout ceci au phénomène de la pénétration de l'énergie dans l'intelligence à travers le mental et à travers l'émotion. Dans le passé, on a parlé seulement d'intelligence en fonction avec le mental pour faire reconnaître la nature de la pensée et pour comprendre les mécanismes de la pensée subjective. Mais aujourd'hui, on doit commencer à parler de la nature de l'intelligence dans l'émotionnel. Et plus tard, nous parlerons de la nature de l'intelligence dans le vital et éventuellement, nous parlerons de la nature de l'intelligence dans le physique. Mais, pour comprendre la nature et la fonction et la mécanicité des lois de l'intelligence dans l'émotionnel, nous devons reconnaître certaines lois. Et une de ces lois est celle-ci. C'est que dès que l'homme veut quelque chose, il entrave les lois cosmiques. Dès que l'homme veut quelque chose, il entrave les lois cosmiques. Vouloir quelque chose, c'est enlever à l'intelligence le pouvoir de décider de la vision qu'elle a de ce que l'homme doit être. Alors, ça nous donne une idée jusqu'à quel point nous sommes en opposition avec les lois cosmiques. Et ça nous donne une idée jusqu'à quel point nous sommes sujets aux lois de la mort. Un homme, dans le cadre de la conscience cosmique, ne peut pas vouloir ou décider quelque chose émotivement. S'il le fait, il entrave l'intelligence. Ceci ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas prendre de décision dans la vie. Ceci ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas savoir que dans tant de temps, il aura besoin de telle ou telle chose. Mais il y a une différence entre savoir que nous avons besoin d'une automobile et vouloir, par le corps de désir, une automobile avant le temps. Et les hommes veulent des choses avant le temps. Et lorsque nous avons une planète entière qui fonctionne ainsi, où tout le monde veut des choses avant le temps, il est évident que les plus forts vont avoir plus de choses et les pauvres en auront moins, de sorte qu'il se crée sur la planète un déséquilibre, de sorte qu'il y a des nations pauvres et des nations riches, comme il y a des individus pauvres et des individus riches. Si l'homme fonctionnait en relation avec les lois de l'intelligence, il y aura sur la Terre des choses pour tout le monde, aucun homme ne serait dans la pauvreté et aucun homme ne serait riche au-delà de la nécessité. Un homme pourrait être très riche, mais il y aurait une nécessité, il y aurait une concordance entre sa richesse et ce qu'il doit faire à cause de sa nature créative. Mais le phénomène et le problème, il existe à l'échelle individuelle, dans notre vie personnelle. Et c'est très difficile pour nous de voir ou de réaliser que nous devons apprendre à ne pas exercer le privilège émotif de notre corps émotionnel, de notre corps astral, sur la nature autour de nous. Parce que si nous exerçons ce privilège qui fait partie du privilège de l'homme ancien, à cause de son inconscience, nous enlevons en nous, nous éliminons de nous-mêmes le pouvoir créatif de l'intelligence universelle et automatiquement nous retardons le passage de l'énergie vers le plan matériel et effectivement nous nous soumettons aux lois de la mort et nous nous empêchons éventuellement de matérialiser nos matières inférieures. Alors le corps de désir est un principe extrêmement important dans la vie de l'homme parce que il coïncide avec sa moitié. Et autant le corps de désir par le passé a servi à l'homme vers le haut, autant dans l'avenir, le corps de désir doit servir l'homme vers le bas. Et lorsque le corps de désir sert l'homme vers le bas et ne le sert plus vers le haut, l'homme, dans son intellect, dans son ego, n'est plus tiraillé par le corps de désir. Et lorsqu'il n'est plus tiraillé par le corps de désir, à ce moment-là, il s'aperçoit qu'il vit sa vie d'une façon presque mécanique au début. Dans le fond, elle n'est pas mécanique. Elle semble mécanique parce que il n'y a pas suffisamment de liaison entre ses principes. Mais avec le temps, il s'aperçoit que cette mécanicité devient une sorte de fluidité extrêmement subtile qui rend sa vie extrêmement pleine, extrêmement remplie, extrêmement parfaite et dans laquelle il n'y a plus de souffrance. Parce que c'est par le corps de désir que l'homme souffre. Parce que c'est par le corps de désir que se crée dans l'homme la conscience du temps. Et dans le phénomène de la conscience universelle, de l'intelligence, de l'énergie de l'intelligence, l'homme doit comprendre la nature du temps. Et le temps est justement cette condition qu'imposera à l'ego l'intelligence pour dompter son corps de désir. C'est pourquoi lorsque l'homme se conscientise, souvent il lui est mis sur la route des obstacles, surtout dans le domaine du matériel. L'homme s'aperçoit qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, il s'aperçoit qu'il ne peut pas aller chercher ce qu'il veut pour contenter ses appétits matériels. Pourquoi? Pour que l'intelligence ou l'énergie de l'intelligence puisse faire sentir en lui le temps, le phénomène du temps. Parce que tant que l'homme ne souffre pas de ce temps, de la temporanéité, il ne peut pas neutraliser le corps de désir et il ne peut pas se resservir du corps de désir vers le bas. C'est pour ça, c'est pourquoi la plupart des gens qui se conscientisent, soit qu'ils souffriront dans une forme ou dans une autre de la finance, de l'argent, du matériel, et s'ils ne souffrent pas de ceci, ils souffriront de d'autres choses. Ils souffriront peut-être d'amour, mais ils souffriront de quelque chose. Parce qu'une une femme qui cherche à se trouver un mari et qui attend depuis des siècles, elle souffre autant qu'un homme qui attend une certaine somme d'argent pour s'acheter un bungalow. Parce que tous les deux souffrent du temps. Et la souffrance du temps, excusez si j'enlève mon jacket, c'est chaud. La souffrance du temps, c'est une souffrance qui est universelle et qui fait partie de l'énergisation des principes inférieurs de l'homme. Un homme qui ne souffre plus du temps ne souffre plus. Un homme qui ne souffre plus du temps ne souffre plus. Parce que c'est dans le temps que se manifestent les pulsions du corps de désir, comme c'est dans le temps que se manifestent les pensées subjectives de l'homme, c'est dans le temps que se détériore la vitalité de l'homme, et c'est dans le temps que s'affaisse le corps matériel de l'homme, de sorte qu'il se produit constamment dans l'homme une réflexion. De sorte que le temps est un miroir pour l'intelligence. C'est un miroir extrêmement précis qui n'a pas sa reproduction dans d'autres niveaux d'expérience humaine. Et plus l'homme entre dans l'intelligence, plus il devient intelligent, plus il devient sensible, plus il souffre de percevoir ce que ce miroir lui réfléchit, c'est-à-dire l'impossibilité d'actualiser émotivement ou mentalement ou physiquement ou vitalement ce qu'il veut. Parce qu'il n'a pas droit encore à ce qu'il veut, parce que ce qu'il veut ne coïncide pas à son intelligence, mais coïncide à son corps de désir. Et ce que nous voulons dans la vie doit coïncider avec notre intelligence. Et lorsqu'un homme est dans son intelligence et qu'il veut quelque chose, il ne peut pas ne pas l'avoir. C'est une impossibilité. Parce qu'il est dans l'intelligence. Mais si un homme n'est pas dans l'intelligence et qu'il veut quelque chose, se veut quelque chose, se vouloir, coïncide avec son corps de désir et il peut être créé en lui ou dans sa vie des conditions qui ne sont pas favorables à cet état de choses. Et ce sont ces conditions que vous voyez ou que l'on vous annonce par la voyance lorsque vous allez voir des cartomanciennes ou que vous allez voir des astrologues qui regardent intuitivement dans l'astral pour vous donner une réflexion probable de certains événements qui coïncident avec cette condition astrale de l'homme qui est réfléchie dans le système planétaire. Mais lorsqu'un homme est dans son intelligence, qu'il est dans la vibration de l'intelligence qui est un pouvoir sur tous les plans, et qu'il va voir un astrologue ou qu'il va voir une voyante, et qu'il se fait dire les possibilités, ou souvent même des certitudes, parce que certaines voyantes sont extrêmement certaines de ce qu'elles vous avancent, ce personnage pourra très bien voir à travers et neutraliser ce que lui présente la voyante, parce que il sera dans la vibration de l'intelligence qui lui permet d'activer sur le plan matériel, dans un temps qui convient à l'intelligence et non à son corps de désir, de sorte qu'il n'aura pas de fausses surprises. Pourquoi les fausses surprises existent dans la vie de l'homme? Pourquoi on dit « Ah, il me tombe une tuile sur la tête » Pourquoi? Parce que l'intelligence n'est pas suffisamment avancée

pour le rendre parfait, non pas dans la perfection de son pouvoir, mais de le rendre parfait dans la perfection de sa vibration. Et c'est la perfection de la vibration de l'homme qui est essentielle à ses êtres. Les frères de l'espace ont besoin de la perfection de l'homme, mais de cette perfection vibratoire de l'homme et non de cette perfection psychologique. Et la perfection vibratoire de l'homme est le rapport essentiel entre le matériel, le vital, l'émotionnel et le mental, et surtout au début, entre l'émotionnel et le mental, pour que ces êtres puissent s'enregistrer vibratoirement dans l'homme à son insu, pour que demain, au niveau de son vital et de son physique, ils puissent s'enregistrer en lui, non plus à son insu, mais avec pleine conscience. De sorte que, avant que l'homme puisse voir dans l'invisible, son émotionnel et son mental doivent être ajustés à eux, et lorsque le mental et l'émotionnel seront ajustés en eux, le vital et le physique viendra, et les hommes pourront voir dans l'invisible. L'homme croit que la parole, ce sont des mots. Et la parole n'est pas des mots. La parole est une énergie. Et c'est pour ça que ceux qui cherchent à trop comprendre la parole ne pourront jamais comprendre. C'est pour ça que ceux qui cherchent à enregistrer la parole ne pourront rien comprendre de la parole parce qu'ils se retarderont par le fait même qu'ils ont l'attitude de vouloir comprendre la parole. La parole est simplement une énergie qui n'appartient pas à l'ego. La parole est un courant vibratoire qui part du soleil central et qui vient vers la planète et qui passe par un homme ou des hommes. De sorte que la parole est le pouvoir de la conscience supramentale sur la Terre et elle est un pouvoir définitif. Dans ce sens que c'est à partir de ce pouvoir que viendront les autres pouvoirs. De sorte que la psychologie de l'homme doit être totalement renversée. Et tant que la psychologie de l'homme ne sera pas renversée, l'homme sera prisonnier de ses émotions à un niveau ou à un autre, et tant qu'il sera prisonnier de ses émotions, il ne pourra pas commencer à vivre de la deuxième vue, c'est-à-dire de voir directement dans l'éthérique. De sorte qu'il est évident que tous les hommes ne peuvent pas vivre de ce déconditionnement vibratoire. De sorte que viendra le moment, à partir de 1984, où il y aura une division parmi les hommes, et où un certain nombre d'hommes seront choisis pour continuer dans une ligne d'évolution à partir de certains plans vibratoires qui leur permettra d'absorber une quantité d'énergie suffisante pour ceux qui ne pourront pas vivre de cette énergie puissent tout de même en bénéficier à longue échelle. Mais la pénétration de l'énergie de la conscience supramentale sur la Terre ne pourra plus être retardée à partir de 84, de sorte qu'à partir de 84, il sera formé sur le plan matériel un cercle. Il sera formé un cercle qui ne sera pas connu de l'homme. Il sera formé un cercle qui vivra d'une façon particulière dans des conditions qui seront connues à ce moment-là. Et ce cercle ne pourra pas vivre dans les relations de la vibration en relation avec les autres parties de l'humanité. Et ce qui créera cette division, ce qui créera cette séparation, sera la nature même de la relation entre l'émotion et le mental de l'homme. Autrement dit, les hommes qui vivront de ce cercle d'énergie seront en relation vibratoire avec une sorte d'énergie, et ceux qui ne pourront pas vivre de cette énergie à cause du manque d'harmonisation entre le mental et l'émotionnel devront vivre à l'extérieur de ce cercle, et il se formera ensuite un autre cercle. De sorte qu'avec le temps, il se formera plusieurs cercles, mais chaque cercle sera fermé à l'autre. Et ceci coïncidera avec la pyramidisation de l'énergie et l'homme, égoïquement, égocentriquement, ne peut rien contre ceci. On prend un petit break. Lorsque l'homme prend conscience, il ne sait pas trop quoi faire avec ça. Il sait pas trop comment agir dans cet nouvel état d'esprit. Parce qu'il ne sait pas comment se servir de son énergie émotionnelle. L'homme sait se servir de son intellect, mais ne sait pas se servir de son énergie émotionnelle. Et ce qui est le plus drôle dans le phénomène humain, c'est que c'est comment se servir de son énergie émotionnelle qui est le plus important, et non de son intellect. L'homme agit et vit totalement à l'envers. C'est l'énergie émotionnelle chez l'homme qui bloque son intelligence. C'est pas son intellect. Et si l'homme savait comment se servir de son énergie émotionnelle, il débloquerait l'énergie d'intelligence et se servirait de son intellect en conformité avec l'énergie de l'intelligence. De sorte qu'au début, quand l'homme prend conscience, il sait pas s'il doit faire quelque chose ou s'il doit rien faire. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que devenir conscient, c'est de se laisser aller à nos vibrations. Être intelligent, ce n'est pas de se laisser aller à nos vibrations, mais d'agir émotivement et mentalement en conformité avec nos vibrations. Nos vibrations sont une énergie qui se loge soit dans le mental ou soit dans l'émotionnel. Et ce que l'homme doit apprendre dans cette conscience nouvelle, c'est que son énergie émotionnelle est le matériel même avec lequel il crée son avenir. Son mental et l'énergie dont il se sert pour comprendre son avenir. Mais on doit pouvoir créer notre avenir avant de le comprendre. Et quand je dis qu'on doit pouvoir créer notre avenir avant de le comprendre, on doit le créer notre avenir à partir de notre énergie émotionnelle, qui était infusé ou élevé en vibration par l'énergie d'intelligence. Et ensuite, on peut comprendre notre avenir. Parce que notre avenir fait partie du présent. De sorte que plus on se conscientise, plus on est capable de se servir de l'énergie ici, plus on est capable de transformer notre vie sur le plan matériel et sur les autres plans à la fois, même si on n'est pas conscient des autres plans. Mais pour le moment, parlons simplement du plan matériel. On construit notre avenir sur le plan matériel en fonction de l'énergisation de notre plexus solaire. Mais notre plexus solaire, c'est pas seulement une région de l'homme qui sert à créer en lui des émotions, mais c'est une région de l'homme qui lui permet de se servir de l'énergie émotionnelle, de la transmuter, cette énergie-là, pour qu'elle s'adapte vibratoirement à ce que l'on veut. Et ce que l'on veut fait partie de la descente de l'énergie dans le mental, pour éventuellement faire soulever les forces dans le plexus solaire, pour qu'il y ait une relation entre la volonté, notre volonté réelle, et notre intelligence réelle. On ne peut pas se faire manipuler émotivement par l'énergie cosmique, comme on ne peut pas se faire manipuler mentalement par l'énergie cosmique. Il faut émotivement réagir à cette énergie-là, comme il faut mentalement s'ajuster à cette énergie-là, puisque cette énergie-là, qui est intelligence, qui est vie, n'est pas catégorisable. La catégorie qu'on veut bien donner, ou la forme que l'on veut, que l'on veut bien créer dans notre vie pour notre soutien matériel provient de l'électrification de nos corps, parce que c'est justement ce que fait l'énergie cosmique dans l'homme. Elle électrifie ses principes. Mais une fois que les principes sont électrifiés, l'homme doit se servir du feu qui est créé pour construire pièce par pièce son avenir. Et quand je dis construire pièce par pièce son avenir, je veux dire construire son avenir en fonction de ce qu'il voit présentement, puis ensuite en fonction de ce qu'il voit dans l'autre présentement, et ainsi de suite. Les gens sont beaucoup trop prisonniers de leur conscience. Les gens sont trop prisonniers de leur nouvelle conscience. Les gens ne doivent pas être prisonniers de leur nouvelle conscience. Ils doivent se servir de leur nouvelle conscience. Mais il y a seulement une façon de se servir de cette conscience-là, autrement dit de cette énergie-là. C'est en réalisant que notre relation émotive avec les obstacles de la vie est la condition qui permet la transmutation de cette énergie-là en énergie créative, en énergie fonctionnelle, en énergie de vie pour qu'on puisse vivre sur le plan matériel des vies comme du monde. C'est par la transmutation de l'énergie du plexus solaire qu'on organise notre vie. Ce n'est pas en fonction de nos pensées subjectives. Parce que nos pensées subjectives sont déjà affectées par nos émotions. Alors, on doit réajuster notre point de vue. On doit regarder notre nature humaine et convenir que notre nature humaine est à la fois humaine et à la fois universelle. Mais pour que nous puissions convenir qu'elle est les deux, il faut que nous puissions nous servir de l'énergie du plexus solaire, tout ce qui est le matériel émotionnel, pour éliminer devant soi les obstacles créés par ces émotions-là, afin de libérer l'énergie de ces émotions-là, pour construire avec ces énergies-là des conditions de vie qui conviennent à notre intelligence. Nous autres, les hommes, on fait le contraire. On pense d'abord, puis ensuite, on réagit ou on agit. Au lieu de réagir tout de suite pour organiser ensuite mentalement avec le matériel énergétique qu'on a libéré. Ça apparaît peut-être un peu abstrait ce que je dis, pourtant c'est extrêmement concret. Je vous donne un exemple. Souvent, par exemple, il y a quelqu'un qui vous invite, à aller quelque part, ou quelqu'un vous invite dans une rencontre ou dans un party, je sais pas. Puis la première réaction est émotive. Il y a un bloc. Vous voulez pas y aller. Alors, cette énergie émotionnelle-là vous bloque d'agir. Si vous voulez pas y aller pour une raison vibratoire, c'est une chose. Mais si vous voulez pas y aller pour une raison émotive, c'est une autre chose. Et si vous n'êtes pas capable de transmuter, de briser le pouvoir de cette émotion-là sur l'action, vous allez manquer d'une expérience. Cet exemple-là, qui est très simple, ça s'adapte à toutes les autres expériences possibles de la vie humaine. Parce que c'est toujours le même mécanisme. Notre émotion, ce qui est logé ici dans notre plexus solaire, nous bloque. Fait qu'on manque de certaines expériences. Puis il y a le cas opposé où notre émotion, qui est logée dans notre plexus solaire, elle nous fait agir. C'est aussi mauvais. Fait que d'un côté ou d'un autre, si on n'agit pas à cause de l'émotion, c'est pas bon. Puis si on agit, c'est pas bon. Alors, dans une situation de vie où on doit prendre une décision, on doit se servir de l'énergie émotive, de l'énergie ici, mais on ne doit pas être asservi par cette énergie-là. Et pour se servir de notre énergie ici qui nous sert, qui nous permet de créer des conditions de vie qui nous facilitent la vie, il faut que nous soyons suffisamment libres dans le mental de la puissance de cette émotion-là. C'est ça de la conscience. C'est ça de l'intelligence dans l'homme ou de l'intelligence consciente dans l'homme. Une fois que l'homme a suffisamment d'intelligence consciente, il ne sera jamais bloqué par ce qui est ici, mais se servira de ce qui est ici pour créer des conditions neuves de vie. Et automatiquement, ça, ça le prépare sur d'autres plans parce que aussitôt que l'homme transmute l'énergie émotionnelle en énergie mentale, automatiquement, il construit sur d'autres plans des conditions de vie aussi qui sont parallèles à celles-là. Mais les gens sont pauvres de leur émotion. Et quand je dis qu'ils sont pauvres de leur émotion, je dis que les gens ne savent pas se servir de leur émotion. Et aussitôt qu'on ne sait pas se servir de nos émotions, on est asservi par elles, parce que nos émotions sont extrêmement puissantes, puisqu'elles font partie de notre nature animale, puisqu'elles nous coupent de l'intelligence. C'est pour ça qu'elles sont puissantes. Mais si on s'habitue à les saisir, à saisir cette énergie-là, et à faire ce que j'appelle à notre volonté, là, on brise le pouvoir vibratoire de cette émotion-là, et là, on permet la rentrée de l'énergie d'intelligence, et là, on s'aperçoit que on peut faire des actions qui, auparavant, nous auraient été impossibles. Parce que faut bien réaliser dans la nature de l'homme que toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit sont des pensées qui relèvent du possible pour nous autres. On n'a jamais de pensées qui ne sont pas faisables. On n'a jamais de pensées qui ne sont pas en fonction de notre plan de vie. Ce qui tue le pouvoir de nos pensées, le pouvoir créatif de nos pensées, c'est que aussitôt qu'elles viennent à notre esprit, ces pensées-là, elles font vibrer en nous une émotion et on bloque. Au lieu de vivre, de recevoir ces pensées-là dans notre esprit et de débloquer le capital nécessaire qui est ici pour concrétiser ces pensées-là dans la matière qui nous donne des conditions neuves de vie. Les gens ont des petites vies parce qu'ils ont trop d'émotions. C'est l'émotion qui nous donne, qui nous crée des petites vies. Le pain noir, c'est fait d'émotions. Le pain noir, c'est fait parfaitement, totalement d'émotions. Tellement qu'on a consacré le pain noir, bon Dieu, t'es né pour un petit pain, t'es né pour un petit pain. Regardez ce qui arrive aux Indes. T'es né trop de cul, tu restes trop de cul toute ta vie. Puis c'est devenu une philosophie pour eux autres. Puis, quand t'es trop de cul aux Indes, t'es quelque chose. Mais quand les Hindous commencent à venir en Occident, puis qu'ils vont dans les universités, puis qu'ils vont à McGill, puis qu'ils deviennent ingénieurs, puis qu'ils retournent chez eux, pareil, là. Ils sont pas intéressés, là, à être trop de cul. Là, ils reviennent en Amérique. Ils vont faire un petit tour là-bas pour voir, là, puis ils en viennent tout de suite après. Pas long. Alors, le matériel émotif qu'on a, qui a été créé à cause des conditions humaines, J'appelle ça l'inflation de l'ignorance. Devient un matériel qu'on peut se servir créativement. Et le mécanisme est le même dans l'éther. Dans l'éther, l'homme se sert de ce centre-là. C'est avec le centre, le plexus solaire dans l'éther qu'il va chercher les matières qu'il a besoin pour créer. Avec ce centre-là, il comprend. Puis avec d'autres centres d'énergie, il voit, il contemple plus haut ce qu'il a fait. Mais sur le plan humain, c'est la même chose. Alors, l'énergie émotive qui est créée à cause des blocages que nous impose notre vie sociopolitique, économique, c'est une énergie qui peut nous servir si on est intelligent, mais qui nous dessert jusqu'à la mort si on ne l'est pas. Le corps astral de l'homme doit servir l'homme. Tous nos principes doivent nous servir. Vital, physique, émotionnel, mental. Ça doit nous servir. Ça fait partie de l'homme. Mais on n'a pas l'intelligence de nos émotions. Et on ne réalise pas, par conséquent, le pouvoir d'activité créative sur le plan matériel, d'activité de vie sur le plan matériel, qui peut nous être donné sans faille, absolument, si on est capable de se servir de cette énergie-là, pour de cette émotion-là, pour en faire sortir l'énergie. C'est le problème des masses humaines aujourd'hui dans le monde. L'intelligence créative, l'intelligence vibratoire, l'énergie de l'intelligence, c'est absolument suprarationnel. C'est intelligent, mais c'est suprarationnel et ce n'est pas nécessairement rationnel. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'intelligence créative, c'est rationnel. C'est pas rationnel. Le rationnel, ça fait partie de l'intellect. L'intelligence vibratoire, l'intelligence universelle dans l'homme, c'est pas nécessairement rationnel. Mais c'est très intelligent. Et ça peut très facilement détruire le rationnel dans l'homme pour faire quoi? Pour le forcer à se servir de cette énergie émotive-ci. Quand on est conscient, on peut plus s'intéresser à vivre des vies rationnelles, puisqu'on vit d'une autre intelligence. Quand t'es inconscient, t'essaies d'être le plus rationnel possible, mais quand t'es supramental, quand t'es en relation vibratoire avec l'énergie d'intelligence, t'as plus besoin d'être rationnel. Tu es créatif. Être rationnel, c'est pas être créatif. C'est être logique. Il y a pas de créativité dans la logique. C'est de la mécanique, la logique. Et l'homme est loin de comprendre qu'est-ce que c'est de la créativité de l'intelligence universelle. Mais nos émotions nous empêchent de nous servir de cette intelligence-là parce qu'on veut toujours organiser nos émotions à l'intérieur d'une sorte de progression raisonnable, d'une progression logique. C'est là qu'on se coupe de notre pouvoir de vie. C'est pour ça qu'on peut pas se servir de cette énergie-là ici. Alors, comment est-ce qu'on commence à se servir de cette énergie-là ici? On commence à s'en servir aussitôt qu'on commence à s'en servir. Puis comment est-ce qu'on commence à s'en servir? Puis quand est-ce qu'on commence à s'en servir? On commence à s'en servir quand on commence à réaliser que tout ce qui nous vient à l'esprit est bon et tout ce qui est retenu à l'esprit est pas bon. C'est vaste. Ça peut mener des gens à interpréter beaucoup de choses. J'en suis conscient. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir si ce qui nous vient à l'esprit c'est bon, puis si ce qui nous vient à l'esprit c'est pas bon? On peut pas. Tant qu'on le fait pas. C'est quand on le fait qu'on le réalise. Mais là vous allez dire, ben oui, mais d'un coup je fais une gaffe. Ça existe pas des gaffes. Si vous dites, ben, ça n'existe pas des gaffes, on m'a dit non, ça n'existe pas des gaffes. Des gaffes servent simplement à vous ajuster au niveau mental et émotionnel. Vous êtes obligé de faire des gaffes pour éventuellement dégaffer. Si vous faites pas de gaffe, vous pourrez jamais dégaffer. Vous êtes pas des fils de Zion. Enfin, on est obligé de faire des gaffes, à moins d'être fusionné. Si vous êtes fusionné, là, c'est pas pareil. Mais quand on va vers la conscience, on est obligé de faire des gaffes. On n'a pas de choix. D'abord, on a toujours fait des gaffes. La seule différence, c'est que les gaffes avant, les gaffes inconscientes, on se culpabilisait. Puis à cette heure qu'on fait des gaffes conscientes, on se culpabilise plus. On les fait, puis c'est final. Mais en les faisant, puis en regardant les gaffes qu'on fait, ben, on développe du discernement, puis du discernement, puis du discernement. Mais on n'a pas le choix que de faire des gaffes. Puis des gaffes, vous allez en faire. Pour un bout de temps. Puis c'est normal. Et les gaffes viennent d'où? Ils viennent du fait que vous savez pas vous servir de votre énergie émotionnelle parfaitement. Parce que vous avez toujours un petit peu d'intellect dans l'émotion, comme vous avez toujours un petit peu d'émotion dans l'intellect. C'est pour ça que vous faites des gaffes. Mais éventuellement, vous en faites de moins en moins, puis éventuellement, vous faites de moins. Puis éventuellement, vous en arrivez à réaliser que, whoop, vous êtes pas si bête que ça. Parce que vous commencez à réaliser que vous faites pas autant de gaffes qu'avant. Mais dans le fond, c'est pas que vous faites pas autant de gaffes qu'avant. Vous en faites autant qu'avant, mais sont plus subtils. Mais au moins, les gaffes qui sont plus subtiles ne sont pas aussi visibles. Puis comme elles sont pas aussi visibles, elles sont plus personnelles à vous. Ils font moins de troubles à l'extérieur de vous. Fait que quand tu commences à plus faire de troubles autour de toi, t'as faim quand dans toi, c'est correct. Au moins, t'es safe. T'achales pas personne. Puis avec le temps, mais tu te raffines. Puis avec le temps, mais t'en fais plus de gaffes. Mais vous allez en faire jusqu'à la fusion. Parce que c'est normal. Parce que jusqu'à la fusion, il y a des motivités. Tu veux. C'est impossible de pas faire de gaffe. Tant que vous n'êtes pas fusionné. Mais au moins, vous partez d'un stage où vous faites des gaffes, puis là, ça éclabousse toute la société. Puis vous en arrivez à un stage où vous faites plus de gaffes qui éclabousse la société. Là, vous commencez à être comme du monde. Quand vous commencez à être comme du monde, là, vous commencez à être la fun. Puis là, on peut prendre un petit café ensemble. Puis là, il n'y a plus de perte d'énergie. Les gens perdent plus d'énergie avec vous parce que vous vous éclaboussez pas à l'extérieur. Vos gaffes sont en dedans. Vous les voyez, vous les réalisez. Puis ça ajuste, puis ça ajuste. Mais rendu à ce point-là, quand vous avez passé de faire des gaffes vers l'extérieur pour faire des gaffes intérieures, vous avez commencé à manipuler votre énergie émotive. Alors que vous fassiez des gaffes, c'est pas grave. Mais que vous passiez de gaffes qui affectent le monde autour de vous à des gaffes qui sont totalement intérieures, c'est important. Faut que vous intériorisez vos gaffes. Quand vous étiez inconscient, vous faisiez des gaffes, puis ça allait tout vers l'extérieur, puis vous vous culpabilisiez des fois de vos gaffes, des fois vous étiez content de vos gaffes. Quand tu te conscientises, puis tes gaffes, t'arrêtes d'en faire vers l'extérieur, puis t'en fais qu'intérieurement. Mais là, au moins, tu commences à réaliser déjà que ton rapport avec les hommes change. Puis tu commences à réaliser qu'il change parce qu'il y a plus d'intelligence en toi. Puis c'est ça qui te permet de vivre une vie avec en proximité avec d'autres personnes qui peut être extrêmement plaisante. Mais dans ce processus-là, il a fallu changer la nature de votre rapport avec votre émotion. Les obstacles qui sont dans notre vie sont mis là, de toutes pièces. Des fois, ça a été préparé des années d'avance, vos obstacles dans votre vie. Mais à cette heure que vous êtes suffisamment intelligent, vous le savez, maintenant, il s'agit de les éliminer. Mais le degré de force qu'on veut mettre dans l'élimination des obstacles dans notre vie est toujours proportionnel à notre souffrance. C'est-à-dire à l'intensité qu'on ressent émotivement lorsque l'énergie de l'intelligence commence à rentrer. Parce que l'intelligence, l'énergie de l'intelligence ne se soucie pas de nous égoïquement. si vous avez la moindre idée, la moindre pensée dans votre tête que les forces en haut vont vous aider dans votre vie, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Les forces en haut vont vous servir dans votre vie, mais ils vous aideront pas. Pensez que les forces en haut vont vous aider, ça c'est de la spiritualité. Mais réaliser que les forces en haut vont vous servir, ça c'est de l'intelligence, de la conscience. Mais l'approportionnement à ce service pour l'homme est en raison de votre faculté de transmuter vos émotions, c'est-à-dire d'éliminer ce qui, dans votre vie, bloque vos projets vous menant à une vie en paix, à un esprit en paix. Il ne devrait pas y avoir dans votre vie de nuages sur votre horizon. Votre horizon devrait être clair. Si votre horizon n'est pas clair, c'est qu'il y a un obstacle. S'il y a un obstacle, il y a certainement une condition émotive qui vous empêche de briser cet obstacle-là. Je dis pas que demain matin, il faut que vous alliez avec le scalpel et commencer à vous exorciser. Mais je veux dire qu'avec le temps, avec la descente de l'énergie dans le plexus solaire, vous aurez pas le choix que de le faire, parce que vous allez trop souffrir. Ça va être un poids ici. Rendu à ce point-là, la matière qui est ici, vous allez vous en servir. Puis c'est là que la volonté va descendre, puis qu'ensuite va venir l'intelligence. Un va grandir avec l'autre. Il ne s'agit pas pour nous autres de nous faire mener par le bout du nez. Mais d'un autre côté, suivant les conditions d'évolution de chacun, je sais très bien qu'il y a des gens qui se font bombarder, puis bombarder, puis bombarder, puis bombarder. Mais ça, ça fait partie de notre expérience. Ça se qualifie pas notre expérience. Notre expérience, ça fait partie de notre expérience. Mais ce qui se qualifie, c'est notre capacité d'engendrer suffisamment d'énergie qui est pognée dans la ballonne de l'émotion pour altérer notre plan de vie et de mettre en demeure, sur le plan matériel, ce que l'on veut pour vivre, l'outillage qu'on veut pour vivre. Moi, en ce qui me concerne, toutes les pensées qui viennent dans la tête de l'homme sont bonnes, parce qu'ils font tout du travail, même s'ils sont pas bonnes. Mais pour pouvoir dépasser ce travail pour avoir la peine mentale, puis pour pouvoir dépasser le travail pour avoir la peine émotionnelle, il faut avoir une maudite tête de cochon. Puis une tête de cochon, dans mes termes, c'est une réalisation profondément humaine de la profonde importance de l'homme sur le plan matériel pour lui-même, envers lui-même. Mais cette réalisation, elle est vibratoire, elle n'est pas psychologique. Et elle est vibratoire selon la souffrance qu'on vit. Si vous étiez en fusion, il y aurait des obstacles que vous ne pourriez pas éliminer parce que sont tellement intelligents ces chiens-là qu'ils vous barreraient la route. Vous ne pourriez pas rien faire. Mais dans vos conditions personnelles, il y a beaucoup de terrain libre dans vos vies où vous pouvez éliminer des obstacles. Je dis pas que toutes les conditions sont propices à la manifestation de ce que vous voulez dans votre vie. Mais une fois que vous avez éliminé les obstacles majeurs de votre vie qui vous empêchent de voir un peu ce que vous voulez faire, vous êtes pas prête de commencer à toucher du doigt ce que vous voulez faire. Parce que parmi vous autres, il y a deux populations. Il y a une population qui n'a pas d'idée de ce qu'elle veut faire. Parce qu'il y a trop d'émotivité qui crée les obstacles, parce que les obstacles dans nos vies sont créés par notre émotivité. Puis il y a une autre population qui a une idée de ce qu'ils veulent. Ils savent, ils sentent. Ils peuvent pas le faire tout de suite. Les conditions sont pas là, mais ils voient dans cette direction-là. Puis ces gens-là sont beaucoup plus prêts de leur avenir que les autres. Le reste, c'est just a matter of time. Mais au moins, étant près de leur avenir, ils peuvent présentement goûter de leur intelligence. Puis quand tu commences à goûter de ton intelligence, au moins tu commences à goûter de quelque chose. T'es plus dans la fièvre de l'émotion. est atroce de voir combien les gens sont éloignés d'eux-mêmes à cause de leurs émotions. C'est atroce. Ça n'est bête. Mais d'un autre côté, tu peux pas, moi je peux en parler comme ça parce que j'en parle d'une façon universelle, mais du point de vue de ces gens-là, tu es obligé de respecter leurs conditions puis de bien voir que c'est le même, c'est le même. Tu peux leur parler, de donner des points de vue, de donner des points de référence. Mais ces individus-là sont obligés de passer à travers cette atrocité-là. Mais il y a beaucoup de cette atrocité-là, il y a beaucoup de cette condition-là qui pourrait être éliminée si les gens étaient un petit peu plus près d'eux-mêmes. Et être près de soi-même, c'est quoi? C'est n'avoir plein de cul de souffrir. Mais faut avoir un peu d'intelligence pour n'avoir plein de casse de souffrir. Il y a des gens qui n'ont pas assez d'intelligence pour n'avoir plein de casse de souffrir. Il y a du monde qui sont pas assez, ils ont pas assez d'intelligence. Je parle d'intelligence réelle. Pour n'avoir plein de casse de souffrir. Fait qu'automatiquement, la vibration rentre pas ici, puis ils n'ont pas le feu ici pour mettre le feu au pot. Ils l'ont pas. Ils ont pas la fuse. Fait qu'ils restent dans la même condition pendant des années. Tu regardes des gars après 10 ans, tu rencontres des gens que t'as à la petite école avec toi. Ils sont au même stade aujourd'hui qu'ils étaient à 20 ans. C'est incroyable. Quand tu dis que tu rencontres des gens 20 ans plus tard, c'est encore la même patente. La télévision, la bière, puis les Canadiens. C'est écœurant. Puis ils te regardent, là, puis eux autres, ils comprennent plus rien. T'es bien changé. Es-tu malade? Tu peux pas vivre d'une année à une autre. Tu peux même pas vivre de mois à mois. Quand t'es intelligent, sans réorganiser ta vie, c'est impossible. Il y a des conditions qui sont plus longues, ça peut prendre 6 mois, ben 1 an. Mais à l'intérieur d'un an, la vie d'un homme devra totalement changer. D'un an, 1 an, c'est un cycle complet vibratoire des planètes. 1 an. Tu peux pas vivre 2 ans dans la même situation puis 3 ans dans la même situation. Si tu vis 2-3 ans dans la même situation, c'est parce qu'il y a beaucoup d'énergie émotionnelle que t'as pas transmutée. Que vous soyez 6 mois dans la même situation, ça marche. Mais de une année à une année, vous devriez voir dans votre vie une progression matérielle et une progression d'intelligence et une dépression de la spiritualité. D'année en année, à tous les ans, un homme doit être capable de faire un petit crochet sur le mur, puis tu dis, oups, l'an passé, j'avais tant d'actifs, puis cette année, j'en ai tant, l'an prochain, moi, j'en ai tant, et ainsi de suite. Pour en arriver à voir votre avenir, vous devriez être capable de voir votre avenir, mais vous ne pourrez pas voir votre avenir tant que vous ne pourrez pas voir que dans le présent, vous avez la capacité de soustraire aux forces astrales le pouvoir qu'ils ont sur votre vie matérielle. Parce que je vais vous dire une chose. Naturellement, à cause de la façon qu'on a été éduqué, on a toujours eu tendance à penser en termes du ciel. Le ciel, puis le monde spirituel, puis tout ça. Mais quand on commence à comprendre ce qui se passe, puis à voir ce qui se passe, c'est plus le ciel qui nous intéresse. Parce que notre conscience est ici. Quand ta conscience est ici, tu t'occupes d'ici. Quand elle changera de plan, ta conscience, tu t'occupes de là. Puis quand elle changera, tu t'occupes de là. Puis quand elle change, tu t'occupes de là. Mais faut que l'homme en arrive à faire un tour de 360 degrés pour concentrer toute l'énergie de sa conscience dans le matériel. Là, les hindous vont tourner dans leur tombe, je le sais. Mais c'est leur tombe. C'est pas la mienne. C'est difficile pour nous autres de réaliser, à cause de notre éducation, puis de notre formation, puis notre tradition, de réaliser que c'est dans le matériel que nous formons l'éther. C'est dans le matériel qu'on forme l'éther. C'est pas dans les terres qu'on forme les terres. Quand t'arrives dans les terres, c'est parce que c'est fini. Quand t'arrives dans les terres, c'est parce que le travail sur le matériel a été fait. Fait que t'arrives dans les terres, c'est le prochain step. T'as pas, faut que t'ailles là, t'as pas de choix. C'est pas dans l'astral. C'est dans le matériel. Et les conditions dans le matériel ont été programmées dans nos vies depuis des années de temps. On a fait des gestes dans le passé qui nous lient aujourd'hui. On a marié des hommes ou des femmes dans le passé qui nous lient aujourd'hui. On a fait des contrats dans le passé qui nous lient aujourd'hui. On a fait toutes sortes de raisons raisonnables qu'on n'aurait pas faites si on avait été dans l'intelligence. Mais qu'on a fait parce qu'on n'était pas dedans, mais ça faisait partie de notre plan de vie. Mais un jour, il faut qu'on le fasse sauter, ce plan de vie-là. Le plan de vie, c'est un croquis. C'est un croquis. Puis tout le monde a accès à ce croquis-là. Allez voir une voyante, elle va vous en parler. Du croquis de votre plan de vie. C'est dans l'astral, c'est enregistré quelque part là-bas. Mais c'est pas de notre plan de vie, c'est un torchon, cette affaire-là. Tout le monde nous parle des plans de vie dans les écoles ésotériques. Comme si c'était la fin du monde connaître ton plan de vie. Tu souffres ton plan de vie, t'as pas besoin de connaître? Chris. Alors, notre plan de vie, il faut qu'on le détruise complètement pour créer notre destinée. Parce qu'un plan de vie, c'est l'accumulation dans notre expérience de notre passé, plus notre conditionnement présent à cause d'une émotion puis notre intellect. Tu peux pas vivre en fonction de ton plan de vie. T'en crées un plan d'exécution de ta vie, puis ça, c'est ta destinée. C'est pas la même paire de manches. Moi, il y a un voyant qui me dit un jour, tu vas mourir en telle année. Je dis, ouais, je vais mourir. Je mourrai pas, inquiète pas. Lui, il a vu dans mon plan de vie que je t'ai mourir dans quelle année. Fait que tu comprends que j'aurais été bien pogné dans mes émotions s'il avait voulu que j'écoute ce qu'il me dise. Quand lui, il comprenait même pas ce qu'il me disait. Quand tu commences à comprendre ta vie, tu commences à comprendre ton plan de vie, si tu veux, tu le dépasses automatiquement. Si tu ne comprends pas ton plan de vie, t'es pogné dedans. Il y en a là qui vont voir les cartes martiennes, surtout les femmes, il y a ça, les femmes, les cartes martiennes, là. Bon. La bonne femme a dit, ah, je vois un jeune homme brun avec des oreilles longues dans votre vie quelque part. La bonne femme est toute énervée. Elle shake, là. Parce qu'elle croit. Puis effectivement, il y en a un bonhomme brun avec des grandes oreilles, puis c'est pas nécessairement Dr. Spock. Mais ça peut être Dr. Schmuck, si tu y crées. Mais si vous êtes dans votre intelligence, vous allez voir que ce gars-là avec des grandes oreilles ne pourra pas entrer dans votre vie. Les gens disent, c'est vrai, il y en a des voyantes qui sont bonnes. Je dis pas qu'elles sont pas bonnes, les voyantes. Puis plus elles sont bonnes, plus elles sont heureuses. Parce que ça veut dire que plus vous êtes pas bon. Je vous donne un tracé. Je vous fais un tracé de la nature, de notre nature. Et la nature de notre nature, c'est une infra-nature. Elle est totalement sans intelligence. Même quand vous pensez que vous avez du bon sens, le fait que vous pensez que vous avez du bon sens, c'est parce que vous n'avez pas de bon sens. Parce que le bon sens, provient de la coloration de votre émotif sur votre mental. Vous allez toujours penser que vous avez du bon sens si ça convient à votre émotivité et votre mentalité. Puis c'est là que vous vous faites prendre. Si vous étiez dans l'intelligence, vous pourriez même pas contempler que vous avez du bon sens ou que ça a du bon sens. Ça vous viendra même pas à l'idée, ça, l'affaire du bon sens. Parce que le bon sens, c'est le bon sens. Puis le sens, c'est la mémoire de l'âme. C'est la mémoire de l'âme qui empêche l'homme d'être dans son intelligence. Dangereux du bon sens. On a glorifié ça du bon sens. On se glorifie d'avoir du bon sens. C'est dangereux d'avoir du bon sens. Heureusement, ce que je vous dis, ça se comprend pas. Je te jure qu'il y en a qui feraient du bon sens. Mais il ferait du sang de cochon. Après. Parce que comprendre intellectuellement ce que je dis, c'est bien mauvais pour l'esprit. On n'a pas besoin de ça de bon sens. On a besoin d'intelligence. On a la fausse habitude de nous prédestiner à nos actions. En enlevant à notre intelligence créative le pouvoir de déterminer nos actions. Puis ça, on le fait par nos pensées et par nos émotions. Puis on fait ça constamment. C'est comme si on leur enlève constamment le pouvoir de nous mettre sur la traque. Et je dis, on leur enlève le pouvoir de nous mettre sur la traque. Nous autres nous mettre sur la traque, pas eux autres nous mettre sur la traque. C'est une autre illusion. Mais le pouvoir de nous mettre sur la traque par nous autres mêmes, on perd contact avec ça. Parce qu'on ne réalise pas que notre émotivité, c'est du pouvoir. On ne réalise pas que ce qu'on a ici, ce qui nous fait vibrer ici, c'est du pouvoir. On ne réalise pas. Pour nous autres, c'est de la souffrance. Mais on ne réalise pas que c'est du pouvoir. C'est une farce extraordinaire pour ça. Extraordinaire, cette affaire-là. Ici. Mais on ne sait pas comment s'en servir. Parce qu'on a été habitué à en vivre de cette affaire-là, au lieu de s'en servir. On a vécu de ça tout le temps. Mon minou, mon toutou. On a été nourri de ça. Il ne s'agit pas d'être nourri de ça. C'est une réserve, ça, cette affaire-là. Pour notre bien-être, quand on s'en sert. Mais on ne s'en est jamais servi. C'est pour ça qu'on vit des sentiments. Puis le sentiment, c'est l'arrêt, ici, du pouvoir de cette énergie-là. On est dangereusement malade, les hommes. On devrait tout être. Il devrait avoir une grande bâtisse à terre. Puis effectivement, il y en a une. Puis tu sais que t'arrives un jour que t'avoues, tu réalises qu'il y a une grande bâtisse. Tu diriges ton regard dans n'importe quelle direction puis tu vois que c'est toute de la connerie. Mais nous autres, les hommes, faut qu'on puisse ajuster notre relation avec cette grande bâtisse-là. Puis c'est ça, l'intelligence. L'intelligence nous donne le pouvoir de nous exécuter en relation avec la grande bâtisse, de sorte que tu peux rentrer dedans puis en sortir, puis ça te dérange pas. D'abord, on n'a pas la capacité de nous souvenir de notre intelligence. On a rien que la capacité de nous souvenir de notre manque d'intelligence. Aussitôt qu'on a la capacité de nous souvenir de notre manque d'intelligence, qu'est-ce qui se produit à nous autres? Un sentiment quelconque. Une émotion quelconque. Comment se fait qu'on ne peut pas se souvenir de notre intelligence? Parce que notre intelligence est purement vibratoire. Elle n'est pas liée à notre mémoire. De sorte qu'elle n'est pas liée à la mémoire de nos émotions, elle n'est pas liée à la mémoire de notre intellect. Elle est translucide, cette affaire-là. Elle ne nous appartient pas. Quand tu travailles avec quelque chose qui t'appartient pas, là, tu commences à créer quelque chose qui t'appartient. Pour le vrai. Mais si tu vis avec quelque chose qui t'appartient faussement, tu peux pas créer pour le vrai. Tu vas te créer une citadelle, puis... La vie, c'est un processus qui est instantané. La conscience de vie... C'est un processus qui est instantané. Tu ne peux pas vivre en dehors de cette instantanéité-là. La seule chose qui nous empêche de vivre en dehors de cette instantanéité-là, qui est le rapport entre l'énergie, puis le mental, puis l'émotionnel, c'est nos émotions. Il ne s'agit pas pour nous autres de rationaliser notre vie. Il s'agit pour nous autres de mettre à terre notre vie ancienne. Il faut qu'on la mette à terre complètement, mais il faut voir l'autre. Tu ne peux pas mettre à terre une vie sans voir l'autre. Il y a des gens qui mettent leur autre vie à terre, puis ensuite ils tombent en dépression, je comprends. Ils n'ont rien pour les soutenir. Si tu veux détruire ta maison, détruis-la, mais construis-toi un petit chac à côté, où il y a les fesses à l'air. Il y en a qui sont tellement spirituels qu'ils détruisent le chèque et ils laissent le tenu au soleil. Le soleil de quoi? De spiritualité. On n'est pas pratique. On n'a jamais été enseigné d'être pratique. On a été enseigné d'être bon, gentil, spiritueux. Spirituel. Mais on n'a jamais été enseigné d'être pratique. Puis si on était pratique, ben on était faussement pratique, fait qu'on devenait des matérialistes, des têtes lourdes. Mais être pratique pour nous autres quand on devient intelligent, c'est bien dur à saisir ça. Mais je vous avertis que dans les années qui viennent, vous allez en avoir besoin du sens pratique. Mais le sens pratique réel, il se construit. Puis il se construit d'étape en étape, année par année, à l'encontre de ce qui nous donne une fausse sécurité. Mais on n'avouait pas notre fausse sécurité. Pourtant, un simple avoir, c'est tout ce qui nous plaît émotivement. C'est notre fausse sécurité. Tout ce qui nous plaît émotivement, c'est notre fausse sécurité. Ce qu'on a peur de perdre, c'est notre fausse sécurité. L'intelligence dans l'homme est toujours active, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens sont beaucoup plus intelligents en potentiel qu'ils s'imaginent. Seulement être toujours bloqué, tout le temps, tout le temps. On est toujours intelligent. Mais c'est quand on retourne chez nous et qu'on retourne dans notre vie qu'on la perd. On le perd, ça. Puis ça, c'est l'expérience qui nous permet de le conserver. C'est très dangereux du common sense. Parce que dans le common sense, comment est-ce qu'on dit ça en français? Dans le bon sens, on cache l'intention de notre émotion. On cache l'intention de notre émotivité dans le bon sens. Le bon sens, c'est comme une botte de foin. Puis il y a une épingle dedans. Puis l'épingle, c'est l'intention de notre émotivité. C'est pour ça que c'est bien dangereux du bon sens. C'est pas intelligent du bon sens. C'est soit logique ou c'est soit ordonné. À la couleur de notre compréhension, à la couleur de notre conscience subjective. Parce que dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire avoir du bon sens? Ça veut dire aller dans un sens qui est bon. Mais un sens qui est bon est déterminé par quoi? Il est déterminé par notre émotivité et notre intellect, autrement dit, par la nécessité de notre personnalité. Il n'est pas déterminé par notre intelligence. C'est d'énergie qu'on doit vivre, pas de forme. Puis dans le bon sens, c'est une des formes. Mais des formes qui sont tellement bien ordonnées que ça leur donne une certaine qualité qu'on appelle le bon sens et que nous autres, en tant qu'hommes, dans notre société, on considère comme une façon positive de vivre. Mais c'est pas une façon créative de vivre. Vivre positivement, puis vivre créativement, c'est deux paires de manches différentes. Il y a bien du monde qui vivent positivement, les bons citoyens, tout ça. Mais vivre créativement, c'est un autre travail. Quand tu vis créativement, tu vis pour toi-même. Quand tu vis positivement, tu vis pour tout le monde. Tu vis pour tout le monde. Tu maintiens l'équilibre sociopolitique de l'homme. Quand tu vis créativement, tu maintiens rien. Tu crées une dimension politique occulte de l'homme. De la télévision, il y a un programme à la télévision dernièrement là, avec sur le couple humain, le couple là. C'est une expérience. Voilà. Essaye donc de parler du bon sens à la télévision quand tu as 15-20 personnes. Puis essaye donc de parler créativement. C'est toujours le bon sens qui va primer sa créativité. C'est ça que c'est produit là-bas. Le bon sens prime sa créativité. Pourquoi? Parce que le bon sens est évident. Tandis que la créativité, ça ne l'est pas évident. C'est une bonne expérience. C'est pas évident, la créativité. Le bon sens, c'est évident. Les statistiques, les ci, les ça, le matériel normal qui convient à la sociale-politique. Mais la créativité, c'est un autre pain de manche. La créativité, ça détruit des formes. Ça les réforme pas. Ça les replace pas, ça les détruit. Le couple. Qu'est-ce que c'est le couple? Pourquoi les... C'est à quoi la question à la télévision? Pourquoi les divorces? Le degré de satisfaction des gens dans la vie de couple. Trop de questions. Qu'est-ce que c'est le degré de satisfaction des gens dans la vie de couple? Il te pose une question quantitative pour délimiter le pouvoir psychologique, vibratoire, émotionnel, mental, physique de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on veut toutes des réponses qu'on peut numéroter, qu'on peut quantifier. Qu'est-ce que c'est le degré de satisfaction, c'est ça? Bon, OK. Le degré de satisfaction dans le couple, ça n'existe pas. Mais je vais vous dire pourquoi ça n'existe pas. Parce que un couple, ça n'existe pas. Puis quand ça existe un couple, automatiquement, tu as la souffrance dans le couple du fait qu'il y a deux personnages dans le couple. Et c'est ça qui force les individus à vouloir quantifier leur relation émotionnelle pour pouvoir avoir une prise de conscience subjective de la validité de leur bonheur. Ça existe pas un couple. Nous autres, on pense que ça existe le couple parce qu'on a toujours pensé en termes d'un couple, parce qu'on a toujours pensé en termes d'une façon de penser qui émotivement remplit le besoin de l'homme de savoir qu'il vit à l'intérieur d'une dualité qui est un couple. Mais un couple, ça existe pas. Moi, je suis marié, puis je suis pas un couple. C'est ma femme, puis moi, puis on fonctionne autonomement, puis individuellement. Fait que si je veux savoir, d'ailleurs, je veux pas le savoir, parce que je suis pas intéressé à le savoir, ça me vient même pas l'idée. Qu'est-ce que c'est le degré de satisfaction dans mon couple? Qu'est-ce que c'est le degré de satisfaction dans mon couple? Je m'en demandé à ma femme à soir, je vous donne la réponse après une fois. L'intelligence créative, la conscience créative, le pouvoir de la conscience créative, c'est ce qui nous manque dans notre société. C'est pour ça qu'on a une société qui constamment se recouple. Les gens se recoupent parce qu'ils sont jamais capables de définir parfaitement ou partiellement la nature même de leur intelligence et de leur conscience. Et c'est ça qui les empêche, eux autres, de pouvoir réaliser la nature de l'autonomie individuelle vis-à-vis une autre autonomie individuelle qui crée une particularité de relation qu'on appelle deux êtres qui vivent dans l'harmonie de l'esprit. C'est ça, vivre dans l'intelligence et la conscience et l'esprit d'un couple. Mais... par le fait même, il n'y a plus de couple, parce que le couple, c'est de l'accouplement, et de l'accouplement, c'est de la servilité d'un homme pour une femme, ou d'une femme pour un homme. On demande une fausse question, puis on veut une bonne réponse. Calisse! Puis on demande des mauvaises questions, parce qu'on n'a pas d'intelligence pour en demander des bonnes, puis si on en demande des bonnes, on n'en demandera pas, on parlera de ça, simplement. Fait que c'est subtil, la télévision. La télévision, c'est simplement l'extension dans le temps de la petite éducation à l'école. On demande des questions. On demande des questions à une population. Demander des questions à une population, c'est déjà impliquer qu'il n'y a pas d'intelligence dans la population. Parce que si c'était réalisé qu'il y a de l'intelligence dans la population, on ne demandera pas de questions. Il y a un jeu subtil, là. Demander des questions, c'est déjà impliquer qu'il y a un manque d'intelligence. Mais établir une conversation avec le peuple, parler au peuple, instruire le peuple, c'est élever la conscience du peuple pour qu'il connaisse les mécanismes de cette fallacieuse idée qu'on a depuis longtemps, qui est le couple. Le couple existe parce que les gens sont pas conscients. Si les gens étaient conscients, il n'y en aura pas de couple. C'est simplement une formalité qui permet de maintenir des relations humaines à l'intérieur d'une sociale politique. Quand il n'y aurait plus de sociale politique sur la planète Terre, il n'y aurait plus de couple, il n'y aurait plus de mariage. Mais on demande des questions qui ne viennent pas de l'intelligence. Parce que l'intelligence, ça demande jamais de questions, ça parle. Fait que tant qu'on va demander des questions qui sont ignorantes, on va recevoir des réponses qui sont ignorantes, c'est normal. Fait que le cercle vicieux continue, puis les couples continuent à se coupler. Ça va loin l'affaire de l'intelligence, j'ai même pas commencé à parler encore. C'est vibratoire de l'intelligence, c'est pas psychologique. On peut pas résoudre le problème de l'homme par la psychologie. Il n'y en a pas de psychologie sur la Terre. C'est la psychologie. La psychologie, dans le sens réel du terme, c'est la science de l'esprit, c'est la science de l'intelligence. C'est ça de la psychologie. Puis de la psychologie, ça questionne rien. Ça établit tout. C'est pas une revendication que je fais contre le programme ou envers ceux qui ont travaillé là-dedans. C'est pour expliquer la mécanique de l'inconscience de la question, qui permet à l'homme de goûter un peu de l'inconscience de la réponse pour demeurer prisonnier de la question puis de la réponse parce que c'est jamais résolu par ni l'un ou par l'autre. La preuve, c'est que il y a des travaux qui ont été faits en psychologie depuis des années de temps puis les gens sont encore à demander les mêmes questions, à réajuster les mêmes questions. C'est simplement changer une forme pour une autre forme. C'est ça que ça a fait la philosophie. Il est temps que l'homme sorte de la psychologie puis de la philosophie puis qu'il sorte de tout pour rester dans rien. Et ça, c'est l'intelligence. Parce que dans l'intelligence, il n'y a absolument rien. C'est vide, l'intelligence. Mais c'est pour ça que c'est plein. C'est quoi la question? Quel est votre degré de satisfaction? Ouais. Alors, les questions et les réponses comme ça sont toujours proportionnelles à l'inconscience de l'humanité. Mais si les gens étaient conscients puis ils se feraient donner des, ils se feraient miroiter des questions puis des réponses comme ça, ça ferait rien dans leur mental, ça ferait rien dans leur émotion, fait qu'ils ne seraient pas influencés par des questions et des réponses. Quel est le degré de satisfaction? Vous êtes mariés, vous autres? Qu'est-ce que c'est le degré de satisfaction dans une couple, dans votre couple? C'est zéro. Ça, c'est intelligent. C'est zéro. Le tien, c'est quoi? C'est quoi ton degré de satisfaction dans ton couple, toi? C'est zéro. C'est ça la réponse qui est bonne, Chris. Je vais vous dire pourquoi c'est celle-là qui est bonne. Parce que c'est le début de la satisfaction. Pour rentrer dans un couple et pour vivre ta vie de couple parfaitement, faut que tu en arrives à total zéro. Parce que le zéro dans le couple, c'est la prise de position personnelle, consciente de ta propre individualité vis-à-vis toi-même, réalisant tout le travail d'ajustement éventuel qui doit être fait pour en arriver éventuellement à une harmonie parfaite. Fait que tu peux pas avoir une relation de couple et ne pas considérer et réaliser que tu dois passer par le zéro avant d'en arriver au plus. Ça, c'est une réponse réelle. Fait qu'imagine-toi, s'ils vont voir un psychologue, eux autres, ou un sexologue, pis ils disent mon degré de satisfaction dans mon couple, c'est zéro, le gars va dire change de femme ou change de parent. Ça va loin, l'affaire. Le degré de satisfaction dans le couple. La satisfaction dans le couple doit être le résultat de l'harmonisation des deux personnes en fonction d'une intelligence créative, non pas en fonction de la psychologie de couple ou de la psychologie sociale. Fait que si les gens sont capables, sont assez patients pour réaliser que leur degré de satisfaction est zéro, et d'attendre dans le temps, puis pas aller mettre leurs émotions, puis leur mentalité, puis toute leur connerie dedans, éventuellement, après un certain temps, ils vont avoir un degré de relation parfaite. C'est ça la réponse. On doit avoir un degré de relation dans un couple, pas un degré de satisfaction. Ah ben ouais, l'affaire. On demande les mauvaises questions, puis on veut les bonnes réponses. C'est impossible. Si tu me demandes qu'est-ce que c'est le degré de relation avec ma femme, m'a dit il est parfait. Si tu me demandes qu'est-ce que c'est le degré de satisfaction, je comprends rien. Ah, mélange-moi pas. Je vais pas trop m'étendre là-dedans. Je vais vous dire une chose. Quand on commence à être dans l'intelligence, on est capable de donner des réponses qui sont pas intelligentes dans le sens inconscient du terme. La réponse qu'ils m'ont donnée, eux autres, ces deux-là, c'est une réponse qui ne vient pas de l'ego. C'est une réponse créative. Tu peux partir de cette réponse créative-là, qui est zéro, pour développer un thème extrêmement intelligent du rapport entre un homme et une femme. Mais si tu reçois une réponse qui n'est pas dans l'intelligence, tu peux rien développer de ça. S'il avait dit, bon, ben, c'est pas mal, moi, j'aurais rien compris. Mais le fait qu'ils ont dit que c'est zéro, là, ça ouvre mon canal, puis là, je peux parler de quelque chose. Fait que ça va loin, la psychologie, puis la philosophie, puis la philosophie de la psychologie, puis la psychologie de la philosophie. Ça va loin en maudit. Puis un jour, vous allez comprendre jusqu'à quel point on est enraciné dans les formes. C'est incroyable. C'est au bout. C'est au bout du bout. Mais la psychologie moderne est basée sur la statistique, puis des études comparatives, puis des valeurs comparatives. Tu compares pas deux êtres, puis tu n'établis pas de lien comparatif entre deux êtres, puisque deux êtres doivent former une unité d'esprit. C'est ça un couple. Ça doit être une unité d'esprit, un couple. Mais si un couple est une relation psychologique, ça vaut plus rien. C'est deux forces opposées, puis ils vont toujours être opposés. Fait que le degré de satisfaction d'un couple, il sera jamais à 100%, c'est impossible. Un couple, ça doit être une relation d'esprit. Ah, le couple, c'est la condition matérielle de deux corps, deux personnalités. Mais dans l'esprit, ça unifie le mental, l'émotionnel, le vital, puis le physique. C'est comme ça qu'on comprend des questions, puis qu'on pose des questions, ou qu'on parle des réponses. J'apprécie votre réponse, créative. Parce que ça prend de l'intelligence pour être intelligent. Tu peux pas être intelligent si t'es pas intelligent. Ça prend un peu d'intelligence pour arriver à une plus grande intelligence. Fait que la Chiasson est allée à la télévision, puis l'autre, Daniel, est allée. Peut-être ça va repasser, parce que je connais pas toute l'affaire, là. Je sais pas si ça va être réédité, cette affaire-là. La Chiasson, elle a eu le temps de passer quelques mots, là, hop, ça a passé aux autres gars tout d'un coup. Puis Daniel Ménard, c'est une bonne affaire, il a fermé sa gueule. Personne n'aurait rien compris. Fait que c'est toujours de même. Pourquoi? Parce que la vibration de l'intelligence créative est toujours opposée à la vibration de l'intellect. Tout le temps. Fait que si jamais vous voulez faire des programmes à télévision ensemble, vous êtes mieux vous organiser pour que si vous avez 10 personnes, qu'il y en ait au moins 6 ou 5 qui sont en vibration. Sans ça, s'il y en a 4 ou 3 ou 2 ou 1, il est mieux d'avoir une grosse gueule. Moi, je suis capable de toutes les prendre, mais vous autres, vous n'êtes pas prêts d'en haut. Moi, j'aurais fait un tonnerre de Brest là-dedans. Je me serais levé parce que moi, je fais du show dans ce temps-là. Je crée des chocs. Et Chris, qu'est-ce que c'est ça? Là, je commence. Parce que Il s'agit de briser une chaîne d'événements psychologiques. Il n'y a qu'une façon de briser une chaîne d'événements psychologiques, c'est de mettre la hache dedans. Fait que là, tu gèles tout le monde, parce que quand t'es pas pogné dans la forme, tu sers de l'énergie, c'est l'énergie qui fait le job. Fait qu'après ça, ils ont assez peu, ils te laissent le terrain. Tu parles, l'émission est finie. Tu peux pas laisser le temps du monde de même de parler. Hey, t'as une minute. Ils te donneront... Glenn, il m'a mis sur le spot, toi, là. Paye pour. Mais c'est intéressant, l'expérience. Ça fait comprendre mes affaires. Je peux avoir un export. Chou. Pas de tes affaires. Mais l'affaire que je veux dire, j'essaye, moi je vous parle comme ça pour essayer de vous sensibiliser pour, j'essaye de vous sensibiliser vibratoirement à au caractère impossible de l'intelligence. On dirait que dans l'intelligence, il y a quelque chose qui est impossible. Il y a quelque chose dans l'intelligence qui est pas humain. Il y a quelque chose dans l'intelligence qui est en dehors de la forme. Il y a quelque chose dans l'intelligence qui ne se saisit pas. Mais il y a quelque chose dans l'intelligence qui est là. Puis c'est l'affaire, là, c'est rien que ça qui compte. C'est ça de l'intelligence. Rien que ça. C'est pas la valeur du mot. C'est rien que l'énergie. Puis quand les gens pourront commencer à vivre puis à véhiculer cette énergie-là, rien que véhiculer cette énergie, au début, ça nous donne des chocs. Parce que il y a un feedback qui se fait sur notre émotionnel puis notre mental. Mais éventuellement, là, quand ça passe, cette énergie-là, puis on est capable de la laisser passer, c'est là qu'on s'aperçoit que on a toujours été dans l'ignorance. Toujours été. Même je vous dis ça, là, je sais que ça se comprend pas. Ça se comprend psychologiquement. Mais vibratoirement, ça se comprend pas. À moins d'être dans la vibration. C'est ça qui est si extraordinaire de l'intelligence. C'est que l'intelligence, ça ne se comprend que dans la vibration. Psychologiquement, ça se comprend pas parce que psychologiquement, ça nous met mal à l'aise. Ça nous retourne dans le passé. Tandis que vibratoirement, ça nous installe dans un présent tellement inébranlable que on vit de cette énergie-là sur tous les plans. C'est pour ça que je vous parle comme ça, puis je prends différentes situations pour parler de différentes sortes, pour faire sortir cette énergie-là de différentes façons, pour que vous puissiez avoir un rapport avec cette énergie-là qui est consistant dans sa totalité, mais qui est particulièrement varié dans son expression pour que vous puissiez sentir toutes les facettes possibles de l'intelligence, même dans le comique, même dans l'humour, pas rien que dans la jasette sérieuse. L'intelligence, c'est la vie sur Terre. Et il y a définitivement un plaisir dans l'intelligence. Il y a définitivement un plaisir. C'est pas un plaisir psychologique, c'est un plaisir vibratoire. Elle est allée à la télé, là. Bernard est allée à la télé. Puis c'était bon qu'elle aille à la télé. Non pas seulement pour parler, parce que c'est pas le fait de parler qui est important, mais c'est le fait qu'elle soit allée à la télé, dans un panneau, et qu'elle puisse sentir, vibrer, et canaliser ce qu'elle pouvait, et à la façon dont elle le pouvait au moment même, cette énergie d'intelligence. C'est ça qui est important. Fait qu'avec le temps, l'expérience, l'ajustement des corps, t'en arrives à un point, tu peux aller à la télévision, Puis là, c'est final. C'est toi qui te prends le micro. Si l'intelligence est pour descendre dans les réseaux téléphoniques, dans les réseaux télévisés, il faut qu'elle prenne le micro. Puis tant que l'intelligence prendra pas le micro, c'est parce qu'il y a de l'émotion en vous. C'est fort en maudit, l'intelligence. Si elle avait été dans son intelligence, elle, parfaitement dans son intelligence, autrement dit sans émotion, vous auriez pas pu entendre parler des autres personnes. Parce que c'est de même que ça fonctionne, l'intelligence. L'intelligence, ça déchire le voile entre la vibration et la psychologie. L'intelligence, dans l'intelligence, il n'y a aucune restreinte. Autrement dit, pour qu'il y ait intelligence parfaitement, faut qu'il n'y ait pas d'ego. Ça va loin l'affaire d'intelligence. Moi, c'est pour ça que je ne vais pas à la télévision. Parce que je sais que je créerai trop de choc. Fait que j'y vais avec Glenn, là, puis rien que lui, puis c'est assez. Sans ça, ça crée des chocs. Giguère, il voulait m'inviter une journée. Parce que quand t'es dans l'intelligence, tu ne peux pas te faire coller au mur. Parce que c'est l'intelligence qui passe à travers tes sens puis qui explose. Quand t'as de l'ego pis t'as des émotions pis du mental, là, tu te fais coller au mur. Parce que t'as de l'ego, parce que t'as des émotions, t'as une mentalité subjective. Mais quand t'en as plus de ça, c'est elle qui run le show, Charlie. Fait qu'à ce moment-là, tu dois être disponible à son courant. Tu dois être disponible à son passage. Fait que toi, t'es rien qu'un instrument, t'es un canal pour cette force-là. Fait qu'à ce moment-là, laisse-moi dire que le rapport de force est plus pareil. Mais les hommes sont pas rendus à ce point-là, ben ça viendra. Mais c'est une bonne expérience. C'est terrible, l'intelligence. Ça a pas de bout. Ça a pas de bout. Moi, j'en souffre plus de l'intelligence aujourd'hui parce que mes corps sont ajustés, mais laissez-moi vous dire que j'en ai souffert un temps. J'en ai souffert, l'intelligence, de cette énergie-là. Parce que tu fais pas ce que tu veux avec l'intelligence. Avec vos émotions et vos idées, vous faites ce que vous voulez. Mais quand ça va vous passer dans le train, cette affaire-là, laissez-moi vous dire que votre engin est mieux être seul et pas avoir de voir qu'on a rien. C'est ça la condition de l'homme. C'est ça. Quand je parle de l'intelligence comme ça, je parle en fonction de la sixième race, de la septième race. La civilisation sur Terre sera plus qu'elle est aujourd'hui. Laissez-moi vous dire. C'est ça que les anciens disent, quand ils disent que la lumière descendra parmi les hommes, c'est ça. Les hommes seront porteurs de lumière. Fait, quand t'es porteur de lumière, Charlie, ton train, c'est toi qui le rends. Et cette force, elle est proportionnelle à vos émotions et à votre intellect. Inversement. Mais vous pouvez pas aller plus vite que votre temps. C'est normal. Mais vous pouvez petit à petit vous ajuster, puis voir, puis voir, puis voir, puis voir, puis voir. Du moment que vous êtes pas orgueilleux, si vous êtes pas orgueilleux, vous êtes capable d'absorber des aspects de cette intelligence-là qui sert à nous éclairer, vous pouvez pas ne pas avancer, ne pas vous conscientiser. Vous pouvez pas, c'est impossible. Ça prend son temps, mais vous pouvez pas retourner en arrière. Vous êtes chanceux dans un sens, parce que vos souffrances sont grandes. Sont grandes, vos souffrances. Surtout chez certains. Mais, aussitôt que tes souffrances sont compréhensibles, déjà, elles diminuent. Mais si vous n'êtes pas capable de les comprendre, dans ce sens d'être capable de les absorber émotivement et intellectuellement, c'est là qu'elles sont grandes, vos souffrances. Aussitôt que vous êtes capable de les absorber émotivement et intellectuellement, là, elles diminuent. Elles sont là, elles demeurent, mais vous êtes capable de toffer le mal, puis éventuellement, ça s'ajuste, puis éventuellement, vous n'avez plus de mal. Donc à ce moment-là, vous fonctionnez d'une façon créative, puis vous avez une vie qui est comme du monde, mais une vie que vous voulez, la vie que vous voulez. Et ça fait partie de votre intelligence encore. Parce que votre intelligence va vous révéler avec le temps la vie que vous devez avoir. Et dans ce temps-là, ça sera la vie que vous voulez. Mais la vie que vous voulez, c'est pas nécessairement celle que vous voulez aujourd'hui. Parce que la celle que vous voulez aujourd'hui est conditionnée par vos émotions. C'est dans le temps que vous allez découvrir votre intérêt vital. Puis un homme qui est dans son intérêt vital, il peut vivre longtemps sur une planète et être bien dans sa peau. Ça trouble l'intelligence, c'est vrai? Ça trouble un petit peu moins, là. You're getting better, eh? Il faut un certain courage dans la conscientisation. Pas un courage inconscient, mais une fortitude. Une fortitude. La fortitude, mais c'est chaque ego qui l'a. La fortitude change avec chaque ego. Mais la fortitude est toujours proportionnelle à l'évolution de l'ego. Si un ego est évolué, plus il y a de la fortitude. Moins il est évolué, moins il y a de la fortitude. Mais aussitôt que vous commencez à pouvoir vous sentir un petit peu solide, aussitôt que vous pouvez commencer à sentir que le ciment, il se tasse puis qu'il se solidifie, à ce moment-là, vous commencez à rentrer dans vous-même. Tant qu'il est flou, c'est. Mais aussitôt que vous commencez à sentir, il y a une sorte de solidité qu'on sent quand on se conscientise. Tu l'as, cette affaire-là, tu sais ce que je veux dire. C'est comme un centre de gravité. Puis tu tournes autour de ce centre de gravité-là. Puis il devient de plus en plus fixe, de plus en plus solide. Mais tant que vous n'avez pas de centre de gravité, mais vous êtes encore ballotté par vos émotions et votre intellect. Mais aussitôt que vous commencez à avoir ce centre de gravité-là, mais là, vous commencez à voir votre vie d'une façon autre, mais qui vaut la peine d'être vue. Fait que là, votre énergie, vos centres s'ouvrent, ça ici, ça s'ouvre, puis là, vous pouvez vous servir d'énergie émotionnelle pour réellement déblayer, pour avoir devant vous un horizon toujours clair. C'est ça le bonheur sur la Terre, c'est avoir un horizon clair. L'énergie émotionnelle en nous autres, elle se tasse petit à petit. Vous, c'est ça qui se passe avec vous. Ça se tasse. Ça bardasse à ta lave, là, ça se tasse. Puis quand ça commence à se tasser, là, on commence à s'apercevoir que c'est pas si pire que ça, dans le fond. Dans le fond, c'est pas si pire que ça. Il y en a qui sont là, comme lui, le grand là-bas avec la moustache. Lui, c'est un moineau. Parce que lui, il a envie des expériences émotives de toutes les sortes. Mais il n'est pas encore assez près de son intelligence. Il est encore dans l'émotion de son intelligence, dans le mental de son intelligence. Il faut en arriver à être dans l'énergie de l'intelligence, pas dans l'émotion, pas dans le mental. Il y en a-t-il qui comprennent ça de pas... J'aimerais ça que vous me donniez une levée de main pour voir s'il y en a qui comprennent le fait de ne pas être dans l'émotion ou l'intellect de l'intelligence. Gênez-vous pas. C'est bon. Tu commences, toi, ici, là-bas, là, québécoise, là, la porcelaine. C'est pas mal. Ça a été long, hein? Ça peut pas venir avant le temps, mais quand ça vient, c'est final, par exemple. Quand ça vient, tu le sais, tu peux pas, personne peut te l'enlever, ça, même pas ton mari. C'est là, c'est fixe. Ça fait partie de... Ça s'enlève pas de l'intelligence. De l'intellect, ça peut s'enlever et remplacer par de l'autre intellect. L'émotivité, ça peut changer. L'intelligence, ça s'enlève pas. Une fois que c'est là, que tu commences à sentir ça, là, ce point, centre de gravité-là, cette solidité-là qui devient de plus en plus solide, ferme, ça s'enlève plus, ça. Fait qu'après ça, tu grandis. Pardon? Tu vois de plus en plus loin. Ben, c'est ça qui crée ça. Tu t'es fait brasser le tabernacle tout à l'heure, là. Ah, c'est ça. Mais t'arrives à un point où t'es capable de le prendre de plus en plus, là. T'sais? T'en arrives à être capable de le prendre de plus en plus. Puis c'est quand t'es capable de prendre les chocs, parce que l'énergie, quand elle rentre dans les centres, elle crée des chocs, parce que tout se fait par choc. Et quand t'es capable de prendre les chocs, là, et ne pas être piégé par ton émotion et ton intellect, c'est là que l'énergie rentre. Puis qu'elle stase, puis elle stase, puis que l'intelligence grandit, puis tout ton aura change. La conscientisation de l'homme se fait par choc. Elle ne se fait pas par autre façon que par choc. Gurdjieff avait entièrement raison. S'il y en a qui sont allés à l'école de Gurdjieff. Gurdjieff, il avait entièrement raison. Aussitôt que l'énergie passe d'un plan à un autre, elle change d'octave, puis c'est tout vibratoire, puis c'est tout des chocs. C'est pour ça que la spiritualité, puis la philosophie, puis la psychologie, ça n'a jamais rien fait pour l'homme. Ça a simplement changé les formes de l'humanité. Ça n'a jamais rien donné à l'homme. C'est les chocs qui donnent à l'homme. Et l'intelligence crée des chocs. Éventuellement, tu développes une résistance, puis il n'y a plus rien là. Tu peux te fâcher pareil. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas libérer encore plus de cette énergie-là pour t'organiser ta vie à avoir moins de chocs. Tu perfectionnes ta vie. La vie physique, matérielle, c'est un perfectionnement. Moi, si me casse, je vais vous dire une chose, je vais vous faire rire, je vais faire rien. Moi, quand je faisais des séminaires, je chargeais 100$ dans ce temps-là, 100$. Une journée, je cherche mon driver's license. Je cherchais mon permis de conduire. Une journée et demie pour trouver mon compte. Je pense que je tapais en crise. Puis je leur disais, ce qui est mon permis de conduire? Puis ils niaisaient, puis ils niaisaient. Puis moi, ils niaisent pas. Mais quand ils niaisent, c'est parce qu'il y a un grand changement dans ma vie. Mais j'ai dit, mais Chris, si vous allez me niaiser avec mon permis de conduire, moi, je vais m'enrichir. J'ai appelé Gisèle, puis j'ai dit, les Chris de séminaire, là, j'ai dit, monte-les de 100$ à 200$. 5 minutes plus tard, j'ai trouvé mon permis de conduire. Ils se sont servis de l'énergie ici pour faire le changement. C'est de même que ça marche. Quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la vie, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la mécanique de la vie, vous serez jamais esclave de vos émotions et de votre intellect. Fait que moi, j'ai souffert en maudit pendant une journée et demie, parce que c'est la volonté contre ma volonté, là, tu sais, là. Puis quand ils m'ont monté au top, parce que moi, j'aime pas ça, changer les taux. Des séminaires. Faut que ce qui me pousse, parce que je peux pas le faire au niveau de l'ego. Fait que faut que ça part. Et quand ils ont changé assez mes vibrations, là, ça y est. Je leur ai dit de même. 5 minutes plus tard, j'ai trouvé mon porte-monnaie. Il est en dessous du piano, l'enfant de chienne. Puis après ça, ils rient, eux autres. C'est ça de l'intelligence. Il n'y a pas d'ego dans l'intelligence. Ok, il dirige. Parce que si je décidais d'élever de 100$ à 200$ égoïquement, je ferais une erreur. Mais vibratoirement, t'es dans le temps, c'est juste, ça part. C'est vrai, ça marche. Et quand on commence à comprendre ça, comment se servir de ça ici, là, laissez-moi vous dire qu'on commence à vivre, à fonctionner. Là, t'organises ta vie, puis tout est catch-up.